à Sifu pour l'écouter. 89.1. Cette semaine au Mathieu Plante Show. Dans Television, Samsung propose l'hypnose pour oublier la série que vous venez de terminer. Dans Merci Science, la dépendance au téléphone intelligent crée un déséquilibre dans le cerveau. Dans Célix, une intelligence artificielle pour apprendre une langue sans aide humaine. Et Félix Simon donnera quelques trucs qu'il aimerait voir sous son sapin dans deux autres gamers à un autre. Le Mathieu Plante Show commence tout de suite. Et voici celui qui aimerait avoir un montage de Frédéric Simon pendant les fêtes. C'est probablement ce qu'il va recevoir comme cadeau finalement au Mathieu Plante Show. Tout de suite. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show et Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 4 décembre 2017, la chronique télévisuelle Technologie Television, la section Science, Technologie et Médecine, Merci Science, le segment Geek CNX. Dans une demi-heure environ, ce sera la chronique sur les jeux vidéo d'un autre gamer à un autre. Et Frédéric Simon est déjà avec moi. Salut Frédéric. Allô Mathieu. Ça va? Ça va bien toi? Oui. Voir sous le sapin, qu'est-ce que... Tu ne présentes pas des choses que tu vas offrir? Non, mais en fait, ce sont des choses que j'ai déjà... peut-être, parce que j'aime ça me gâter dans l'année, puis peut-être pas nécessairement juste à Noël, mais des choses que je vous conseillerais si vous n'avez pas déjà. Ah, c'est bon ça. Cadeau à soi de soi, c'est gagnant. C'est ça. On aime ça. C'est dans une demi-heure. Avant ça, dans quelques minutes, ça va être Television. Avant ça, encore, on écoute un petit peu de musique chiptune, comme on fait chaque semaine. On a débuté l'émission avec The Emu, avec Foodman in Dockland. Et tout de suite, voici Metro, codename Sailor. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Ça finit vite. Metro avec Codename Sailor 5 au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est Television. Chanson d'une minute 7, c'est beaucoup trop tôt, beaucoup trop court pour moi. Trop court, c'est ce que je voulais dire. Donc, Television, c'est la chronique où on parle de nouvelles télévisuelles. Donc, commençons par le Québec avec une première série documentaire pour le Club Illico. Pablo Escobar, raconté par son fils, une réalisation québécoise attendue dans plusieurs pays. Depuis le 1er décembre, donc, Club Illico offre à ses abonnés sa toute première série documentaire originale portant sur Pablo Escobar. Les deux épisodes de 45 minutes du documentaire, qui a été acheté dans une quinzaine de pays, sont racontés par son fils et ont été produits par Telegram Média en collaboration avec Québécois Contenu. Cette réalisation québécoise nous plonge au cœur de la vie du chef d'un des plus grands cartels de drogue de l'histoire grâce au travail du producteur Éric Hébert et du réalisateur Olivier Agabi. Le fils de Pablo Escobar, Juan Pablo, raconte l'histoire de son père à travers des lieux marquants de son ascension au pouvoir jusqu'à sa chute, des séquences vidéo inédites, des images jamais vues et des témoignages avec des acteurs de l'époque dont certains actuellement emprisonnés dressent le portrait de cette histoire devenue légendaire. Alors, on va justement parler tantôt de d'autres séries qui s'importent en France ou qui continuent d'être importées, mais avant ça, on reste au Canada avec le CRTC qui veut l'avis des Canadiens concernant le renouvellement des licences des grands groupes télé. Le 15 mai 2017, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, nos amis du CRTC, renouvelait les licences des services de télévision des grands groupes de propriété privée de langue anglaise et de langue française, soit le groupe TVA, groupe V, Bell, Rogers et Corus. En août 2017, le gouverneur en conseil a renvoyé certains aspects des décisions de renouvellement au CRTC pour réexamen. Et aujourd'hui, le CRTC sollicite l'avis des Canadiens sur l'information additionnelle fournie par les grands groupes de langue anglaise et française dans le cadre du réexamen des décisions de renouvellement de leurs licences. Les commentaires qui sont recueillis jusqu'au 23 janvier prochain. Les différents groupes ont mis à jour leur demande de renouvellement de licence en se penchant sur les aspects faisant l'objet du décret, soit la création et la présentation d'émissions originales de langue française et d'émissions de musique pour le marché francophone, la création et la présentation d'émissions d'intérêt national, ainsi que d'émissions de musique, de courts-métrages et de documentaires de courte durée pour le marché anglophone. Les groupes ont également répondu à certaines questions portant sur ces enjeux et ont soumis de nouvelles données financières. Les Canadiens peuvent donc donner leur avis sur les enjeux soulevés dans le décret, ainsi que sur les nouveaux documents soumis par les groupes via le formulaire en ligne, par courrier ou par télécopie, le lien sur assemblagerequis.com. J'ai qu'on allait parler d'exportation, ça va continuer pour les recettes pompettes? Mais en France, oui, l'émission Les Recettes Pompettes seront de retour en France seulement. Hein? L'humoriste Monsieur Poulpe, qui pilote l'adaptation française depuis ses débuts en 2016, a confirmé la nouvelle sur Twitter. Les Recettes Pompettes continueront donc d'être diffusées sur YouTube parce qu'en France, la consommation d'alcool au petit écran est interdite. Le concept original du populaire programme est signé Salvaï & Co, la défunte boîte de production d'Éric Salvaï. L'adaptation française totalise des millions de vues sur Internet. Plusieurs grandes vedettes européennes ont trinqué avec M. Poulpe, dont Juliette Binoche et Guillaume Canet. On va aux États-Unis maintenant avec American Gods. La saison 2 s'en vient, mais les showrunners ont quitté le navire. Malheureusement pour la série et pour les fans, Brian Fuller et Michael Green ont visiblement décidé de quitter leur poste de showrunners de la série American Gods alors que la saison 2 doit arriver dans quelques mois. Donc une nouvelle peu rassurante pour les amateurs de la série de Stars. En effet, Deadline annonce que les deux showrunners de cette dernière, donc American Gods, à savoir Brian Fuller et Michael Green, auraient décidé de claquer la porte du drame tiré du roman de Neil Gaiman. D'après le média Deadline, la direction créative et le budget de la série seraient les raisons de ce départ. L'ambition des deux hommes de proposer une série coûteuse semble avoir été trop élevée pour la société de production Fremantle Media North America. Variety nous avance un chiffre de 10 millions de dollars par épisode, dont les coupes souhaitées en saison 2 n'auraient pas plu à Fuller et à Green. Le premier à qui l'on doit, Hannibal, a déjà abandonné il y a peu le fauteuil de showrunner pour Star Trek Discovery et il s'occupera prochainement de Amazing Stories pour Apple. Et le second a dernièrement travaillé sur Blade Runner 2049 et travaillera ensuite sur Raising Dion. Pour Netflix, donc quand même, leur carrière va très bien, ils n'ont pas besoin d'American Gods. Neil Gaiman pourrait prendre la place d'un des deux hommes pour diriger la saison 2 de la série, rapidement commandée alors que la saison 1 n'était pas encore complètement diffusée. Donc plus de la moitié du scénario aurait déjà été écrit, reste désormais à voir comment tout ça va se régler si la diffusion des nouveaux épisodes, attendue normalement pour le printemps ou à l'été prochain, sera repoussée ou non. En attendant, la première saison est disponible pour visionnement, bien sûr. On reste aux États-Unis avec Spike TV qui est vraiment fâché de changer nom pour Paramount Network, mais tout ça, c'est bien sûr une grosse campagne publicitaire où on fait comme si le chef du réseau Spike TV avait été était maintenant rendu rogue, donc rebelle, et parlait contre son réseau qui change de nom pour Paramount Network. Donc c'est ça, c'est Spike qui est Spike TV, la chaîne câblée américaine qu'on a ici même au Canada sur nos services câblés. Il y a des tweets, il y a des posts sur Instagram, sur Facebook, sur Tumblr. Ça fait partie d'une promotion, d'une campagne comique pour le remplacement de Spike qui s'appelle Paramount Network et qui va être lancé au mois de janvier. Complètement en remplacement, on change vraiment le réseau pour un autre. Donc les exécutifs de chez Spike ont décidé de s'amuser avec ça, avec le hashtag Goodbye Spike qui suit le boss comme s'il était vraiment fâché. Un panneau publicitaire de Times Square a été diffusé un petit peu partout et pointe du doigt les méchants de chez Paramount Network et demande aux fans d'aider de leur côté. Donc voilà, une campagne publicitaire qui fait parler un petit peu. Hein? C'est eux, Spike TV, qui diffusent Lip-Sync Battle, Ink Master, le MMA, entre autres. Et donc, toutes ces séries-là vont faire la transition sur Paramount Network. Ensuite, on va sur Internet et vous avez probablement entendu parler du retour de House of Cards. Début 2018, la production de la sixième saison de la série va reprendre au début de l'année, selon une source proche du dossier, évidemment sans Kevin Spacey. Cette sixième et dernière saison ne comptera que 8 épisodes contre 13 pour les 5 premières saisons. Évidemment, on sait, hein, les femmes, c'est tout le temps la moitié. Donc c'est 8 au lieu de 13. Pas drôle, mais c'est mal. Depuis fin octobre, donc, Kevin Spacey, 58 ans, a été accusé de vous savez quoi et a été écarté du plateau. Au Royaume-Uni, Scotland Yard a ouvert une enquête portant sur 2 agressions sexuelles. Bon. Début novembre, Netflix avait annoncé que Kevin Spacey avait été écarté de la série, série politique, qui a fait de la plateforme de vidéos en ligne un acteur respecté de la production télévisée. Reste aux auteurs à imaginer comment la série va se poursuivre sans Spacey, qui incarnait au moins au départ de la série le personnage principal de Frank Underwood. À la fin de la cinquième saison, avait un tremplin intéressant pour son épouse, sans dire plus de détails, donc Claire Underwood, qui va être la vedette de la dernière saison. Robin Wright est le nom de l'actrice qui joue Claire Underwood. Toujours sur Netflix, Netflix vous connaît et Netflix sait que vous regardez la télé sur la toilette. Ouais. Okay. Ça fait un an que Netflix permet aux gens de télécharger leur série télé, de couper le Wi-Fi et de permettre de regarder à peu près n'importe où. Et une étude de la compagnie nous le confirme, les gens regardent la télé sur Netflix dans les salles de bain publiques. Netflix et SurveyMonkey ont demandé à 37 000 utilisateurs du service de streaming. Ils ont appris que 60% des Américains regardent des émissions de télé et des films en public. Donc plus que l'année passée, lorsque l'application a sorti sa fonctionnalité de téléchargement qui permet aux gens d'amener leur série n'importe où. Donc 60% regardent plus de télé et de films en public versus il y a un an. Voilà. Netflix prévoit une émission où vous allez pouvoir être votre propre héros. On a déjà parlé de ça par le passé pour les séries pour enfants, mais nous voilà avec des séries pour adultes où on va pouvoir suivre faire suivre l'histoire dans différents embranchements. Donc une émission où on choisit sa propre aventure pour les adultes, un autre genre de programmation sur ce service qui offre déjà des films, des drames, des documentaires, du stand-up, de la télé-réalité. Donc nous voilà maintenant avec une autre option. C'est donc dans la même lignée que les émissions pour enfants Puss in Book, Trapped in an Epic, in an Epic Tale et Buddy Thunderstruck The Maybe Pile. Ils ont des noms de séries pour enfants avec 12 mots dedans, hein. C'est vraiment... Bref, les deux séries permettent aux téléspectateurs enfants de choisir comment l'histoire continue selon le chef du contenu Ted Sarandos et vont expérimenter, faire la même chose avec des émissions pour adultes. On va pouvoir choisir quelle ligne directrice choisir et retourner voir le même épisode ou la même émission avec un autre résultat. La télé interactive qui existe depuis vraiment longtemps, là, mais c'est quand même pas quelque chose de super connu ou populaire. Donc peut-être que ça va devenir populaire grâce à Netflix. Et puis, on termine avec Samsung qui propose l'hypnose pour oublier vos séries. Quel que soit le style de série qu'on regarde, il est clair que depuis les années 2010, on vit dans l'âge d'or de ce type de contenu, nous dit Cubic.com. Les séries se font de plus en plus complexes et disposent de budgets dépassant pour un seul épisode le budget de tout un film traditionnel. Mais quand une série se termine, c'est un drame, on aimerait que ça continue. Ça nous arrive, j'ai même des séries que j'ai pas encore terminées parce que j'ai pas envie qu'elles terminent, j'ai déjà dit, mais c'est comme ça. Bref, on peut penser à regarder l'intégralité de la série de nouveau depuis le début, mais on connaît déjà les rebondissements, les morts des personnages. On aimerait pouvoir tout oublier. Ben, le forum Reddit a découvert un site qui, semble-t-il, n'a pas encore été publicisé par Samsung. C'est Unspoil Me. Le site est très, très simple. Il s'agit d'une vidéo. Le concept se trouve du côté du What the fuck, comme on l'appelle. L'objectif est donc qu'en oubliant tout, vous allez pouvoir regarder la série à nouveau comme c'était la première fois. Vous retrouverez la joie et les peines que vous avez ressenties lors du premier visionnement avec un avantage. Pas besoin d'attendre une semaine, un mois, deux ans avant d'avoir le nouvel épisode. Donc, on dit que la vidéo est une vidéo d'hypnose pour oublier ces séries-là. C'est incroyable. Je suis dubitatif. Dubitatif. Faudrait l'essayer. Faudrait en faire un test d'équipe. Bref, c'est une voix qui vous parle accompagnée d'une vidéo très abstraite qui dure quand même une vingtaine de minutes. Samsung pense que le risque de réellement hypnotiser est réel. Donc, si vous tentez l'expérience, c'est à vos risques et périls. C'est une pub de Samsung pour ses nouvelles télé QLED qui propose la qualité 4K ultra haute définition. Donc, c'est sûr que Samsung veut vendre ça. Ils ont un hashtag. C'est hashtag UnspoilMe. Pour l'instant, pas super utilisé, mais quand même. Voilà pour Television. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Plus tard dans l'émission, on aura Merci Science. Dans quelques instants, par contre, ce sera d'un autre gamer à un autre. Et c'est des cadeaux à s'offrir soi-même ou à offrir à des gens ou à recevoir. Mm-hmm. Toute une liste. Toute une liste, ah ouais. Une grosse liste. Ah, pas tant que ça. Je vais te calculer le total financièrement, monétairement. Justement, c'est pour ça que je veux pas calculer. Peut-être plus de même. On écoute Cytone. Voici Daydream, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou. We'll be right back. avec la pièce Daydream sur l'album Keepsake. On entendra une autre pièce de ce même album plus tard, mais avant ça, c'est d'un autre gamer à un autre. Salut! Allô! Ça va? Ça va bien, toi? Ouais, est-ce que tu remarques un petit changement? Oh oui! C'est ça. On se rappelle, on avait entendu cette pièce-là il y a quelques mois à l'émission, on s'était dit « Crime, c'est une bien meilleure intro que celle que t'avais. » Fait que c'est ça. Ben, je suis d'accord. Voilà. quand même, Frédéric, bon retour à toi. Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu parce que t'étais absent à un moment donné, hein. Fais-tu ça? Ben ouais, j'ai pas pu être là la semaine dernière. C'est exact. La semaine d'avant, c'était la chronique de Sam. Tout à fait d'accord avec ça. Te revoilà juste à temps pour Noël pour nous donner quelques petites idées de cadeaux. Ouais, moi je m'en ferais pas beaucoup cette année. Parce que... Des idées ou des cadeaux? Des cadeaux. OK, bon. Tu t'es déjà ruiné, quoi? Ça ressemble à ça. Ouais, hein? Ouais. On a tous le même problème de gadgets et de... On n'entrera pas trop dans les détails, mais mettons que... Soudainement, j'ai envie. Non. Non? OK. Mais tu sais, je suis déjà assez gâté comme ça avec ma Switch. Ben oui. Ah, ta Switch, je pense que ta blonde. Okay. Ben aussi. Aussi. Mais ma blonde, c'est comme le plus beau des cadeaux. C'est ça, ben oui. Bon. Yeah, c'est ça. Bref, hein? Oui, je vais vous parler, c'est mes conseils de jeux vidéo à donner, à offrir, à recevoir. Si oui. Vous avez pas, si vous avez personne à qui donner des cadeaux, ben faites-vous-en. Là, tu vas me rendre triste tout d'un coup. J'ai personne. Ben, garde-toi, Mathieu. Ah, yeah! Si j'ai la permission de ta part, c'est cool. Ben, voilà. Ben, commençons donc avec la Switch. Ben oui. Parce que, veux pas, elle devient de plus en plus intéressante. Et va probablement devenir dans les jours qui suivent de moins en moins facile à obtenir. C'est sûr, et le prix reste le même, mais les gens s'en procurent une parce que c'est Noël qui s'en vient. Peu importe le prix, faut que t'aies une Switch. Puis c'est super populaire. Je commence à croire que le marketing de Nintendo va fonctionner. J'ai pas vu tant de pubs que ça, mais je regarde pas beaucoup la télé. Ben en fait, c'est simplement que... On disait que la Switch était pas nécessairement facile à obtenir. Mais tu sais, on en voyait quand même dans les magasins. Et là, on approche de Noël, beaucoup de bonnes sorties. Ouais. La Switch devient de plus en plus tentante. Mm-hmm. Ben là, c'est le moment là. C'est le move, là, il doit se faire maintenant avant qu'il n'y en ait plus. Là. Si vous voulez jouer pendant vos vacances, c'est pour ça que je l'ai acheté avant Noël. Parce que je veux pouvoir jouer pendant les vacances, voyons. Ben, tu vas pouvoir en profiter. Puis, il y a, comme je disais, beaucoup de bons titres qui sont sortis. Ben évidemment, si vous avez toujours pas joué à The Legend of Zelda Breath of the Wild, mm-hmm. sautez là-dessus, c'est effectivement un des jeux de l'année. Okay. On s'en cachera pas. Évidemment, Super Mario Odyssey. Pas le choix. Que, on n'a pas le choix. J'ai commencé d'ailleurs. Oui, ok, t'es rendu où? Dans le sens de nombre de lunes ou de nombre de j'ai monde. J'ai une centaine de lunes. Ok, ok. J'ai débloqué la ville, mettons. Ah, la ville, c'est le meilleur endroit du jeu, je pense. J'ai tapé les 500 lunes. Oh! Ah ouais. Ça va bien. Ça reste... J'ai du plaisir. Un peu plus de 300. Hein? Ouais, c'est ça. Ben, apparemment qu'il y a une fin spéciale quand t'arrives à 999. Mm-hmm. Ça se peut, ça, c'est ce que j'ai vu, c'est ça. C'est possible. J'ai pas cliqué sur la vidéo sur YouTube, mais ça dit fin secrète, fin spéciale. Bon. Je sais pas, on va voir. On va voir. Sinon, toujours du côté de la Switch, il est aussi disponible sur 3DS si jamais vous avez pas les moyens de vous acheter une Switch. Ouais, je peux comprendre. Fire Emblem Warriors, mm-hmm. que j'ai adoré, que j'adore encore parce que c'est loin d'être terminé. C'est un jeu qui a une très bonne durée de vie, un peu comme Hero Warriors, okay. qui était sorti sur Wii U. C'est dans le fond le même principe, un gros hack and slash avec beaucoup d'items à débloquer, beaucoup d'armes, beaucoup de personnages, énormément de personnages. Donc bonne durée de vie, mais dans l'univers de Fire Emblem plutôt que dans l'univers de Zelda cette fois-ci. Ok, et ça c'est si t'as pas l'argent pour une Switch. Et si t'as pas l'argent pour Fire Emblem, il y a genre le nouveau Animal Crossing Pocket Camp qui est gratuit sur sur l'App Store, ça? Ben, pourquoi pas? pourquoi pas? Toujours du côté de la Switch, ben il y a toujours des classiques comme Pokken Tournament, Mario Kart 8 Deluxe. C'est le prochain que je vais m'acheter, je suis surpris que le prix soit le même qu'un jeu neuf ou presque. Pourquoi? Ben parce que c'est pas un nouveau jeu. La recherche, le développement, c'est fait sur la Wii U. Chargement pas le même prix, là. Ah, mais il y a deux personnages de plus, fait que... Ouais, puis c'est en 4K, c'est quoi, là? Même pas. Même pas? Pour vrai? Ben, même pas. Ben voyons parce donc. Parce que c'est sur ta Switch. Mais je paye pour quoi, moi, là? Ben, tu payes aussi, par contre, pour le multijoueur qui a un mode battle qui est intéressant. OK, quand même. Il y a ça. Ouais. Faut y donner. OK. Puis, il y a quand même quelques options de plus, comme pouvoir faire du contre-la-montre à 200cc. Ok, bon, ça va peut-être me le vendre, là. Est-ce que tu travailles pour un magasin électronique, toi, non? Non. Tu devrais peut-être. Peut-être. Mais tu sais, si tu veux qu'on parle de jeux qui ont été développés sur une autre plateforme, pas vraiment une autre plateforme, mais il y a Pokémon qui est sorti le 17 novembre dernier, Ultramoon, Ultrasun. Oui. Sur lesquels on avait comme plus ou moins d'attente parce que Moon and Sun était sorti l'année dernière, on avait joué quand même beaucoup. On étant... Moi et mes okay. amis. C'est bon. Je me demandais pourquoi tu parlais au, au Nous Royal. Nous avons joué à Pokémon Moon. C'est parce que c'est une chronique scientifique. Ah, c'est ça, d'accord. Non, et effectivement, les attentes ne doivent pas trop être élevées pour le nouveau jeu Ultramoon Ultrasun parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais non sérieux, plus. Est-ce que tu as dit l'année passée? C'est l'année dernière. Mais pourquoi l'année dernière, tu refais un jeu quelques années après? C'est parce que l'histoire est sensiblement la même. En fait, c'est la même histoire, mais ils rajoutent comme un DLC inclus dans le jeu. Ben ouais, mais là, attends, au moins 5 ans, non? À ce moment-là, je sais pas si ça aurait encore valu la peine. Mais c'est la Switch? Mais effectivement, sur la Switch, ils annoncent un prochain jeu RPG sur Switch de Pokémon qui va révolutionner le, l'univers de Pokémon. Oui, un tout nouveau monde. Un tout nouveau monde, peut-être. Similaire à l'ancien. Hein? Mais on parle de vraiment un autre système. Okay. Peut-être justement style open world, peut-être. Okay. Ce serait amusant. C'est le fun. Mais... De toute façon, il n'y en aura plus de jeux Pokémon sur 3DS. Ça a été annoncé. Oh, oui. Des styles RPG comme tous ceux qui sont sortis. Ah, mais le public cible de ces jeux de Pokémon-là, c'est les gens qui n'ont pas d'argent pour aller plus haut qu'un 3DS puis qui achètent un 3DS, un 2DS, un 2DS XL, un 2DS XL, en tout cas plus, avec un skin de Zelda vert et jaune vraiment laid. Tu as vu ça? Oui. C'est vraiment comme le 2DS, il est vraiment pas beau, mais pour les collectionneurs, c'est Zelda, ben... Tu sais, puis ça coûte quasiment rien. Ouais, ouais. C'est ça. Mais si vous n'avez pas joué à Sun and Moon, par exemple, lâchez-vous lousse. Ben oui, tant qu'à acheter que... Sun and Moon, prends pas l'ancien. C'est ça. La génération 7 est vraiment cool et je vous la conseille. Mais si vous dites, bon, ben, j'hésite à l'acheter, peut-être l'acheter plus tard, quand il sera un peu moins cher. Quand ils vont faire un deuxième remake. Peut-être. Ou l'acheter comme jeu d'occasion, parce que probablement oui. qu'il va se retrouver bientôt sur les tablettes comme jeu d'occasion. Ça se pourrait. Ah. Sinon, toujours du côté de la Switch, j'ai parlé de Pokémon Tournament, j'ai parlé Skyrim, mm-hmm. qui est maintenant aussi disponible sur Switch. Ce serait un bon complément. Pour les fans de ce type aussi. De jeu-là, t'aimes ça, ce oui. genre de jeu? Ben en fait, j'ai testé une demi-heure sur Xbox 360. Okay. Et là, évidemment que je manque quelque chose. J'ai vu beaucoup de gens jouer. Probablement que j'y resserrais sur la Switch en y mettant plus de temps. Puis pour vrai, j'aurais plus de chances de l'apprécier à sa juste valeur. Pour l'instant, je vais juste dire que ouais, ça serait le fun de l'avoir sous le sapin. Puis ouais, t'aimerais ça juste pour pouvoir être assis sur ton divan avec le jeu d'en face. Hein? C'est ça. Ben oui. C'est ça la Switch. Les gens s'en servent comme console portable. Et oui. Ils aiment ça. Sinon, ben, toujours Axiom Verge, que j'avais déjà parlé comme Hidden Gem, mm-hmm. côté Switch. Pas facile non plus à trouver en magasin. J'ai été le jour de sa sortie. J'ai été, par exemple, au Microplay. Il l'avait sur PS Vita. Qui a encore une PS Vita dans la vie? Explique-moi ça. Hey, ça dure beaucoup trop longtemps pour rien. Hein. Il aurait dû tuer ça bien avant. C'était la version Multiverse Edition, comme la grosse version qui est malade, qui a du contenu bonus à pu finir. Wow. Sur PS Vita seulement. Et il l'avait aussi sur PS4. Elle est encore là, si vous la voulez. Hein? Ah, probablement. Depuis Noël passé, non, je sais pas. C'est et sorti quand, ça? C'est récent. Oui, c'était autour du 20 novembre, dans ce okay. coin-là. Bon. Puis, au même son de cloche au eBay Games, qui avait une seule copie sur Switch qui était réservée. Donc, est-ce que tu étudies en journaliste pour dire même son de cloche ou comme une traînée de poudre? Tu sais, les clichés du journalisme? Non, ça va. Je pense qu'il n'y a pas un seul article qui est pas genre comme une traînée de poudre. Ou ça. Ah, oh, je vais me recycler. Ouais. Lâcher récréo, m'aller à communication à l'UQAM, brûler des brassières, même si j'en pas. Yeah. Ouais. OK. Ben non, Pas de blague de Polytechnique aujourd'hui. Pas de blague, non. Non. S'il vous plaît. On embarque pas. Ah. Si jamais. On va changer de console, tant qu'à y aller. Du côté de Xbox, vous vous dites, ben tiens, je vais continuer à m'acheter des jeux, mais y aller dans le côté rétro. Oui. On considère la Xbox rétro en ce moment, c'est ça? Ben, la première Xbox. Disons, première Xbox, mais on sait que Xbox One, depuis longtemps, travaille sur la rétrocompatibilité. Oui. De ramener les vieux jeux disponibles sur le marché, dans le fond, du Xbox. Ben, les vacances de Noël, c'est pour tout le monde. Ben, Xbox prend aussi des vacances contre rétrocompatibilité. C'est plate, ça? C'est plate. Ils vont arrêter pendant au moins jusqu'en 2018. Donc, si vous allez sur le marché, ben c'est ce qu'il y a là, présentement, puis il n'y aura rien d'autre. C'est ça, faut faire avec. C'est ça. Donc, pas de nouveauté de ce côté-là. Y en a-tu des bons quand même? Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que ça fonctionne bien, la rétrocompatibilité? De... Pour bien fonctionner, oui, ça fonctionne très bien. S'il y en a des bons, oui. Mm-hmm. Si j'ai le budget pour en acheter beaucoup, non. Est-ce qu'ils sont chers? C'est pas si pire. Okay. Honnêtement, il y a beaucoup de bons jeux qui sont pas trop chers. Même son cliché, par exemple, parce que je veux le ramener vu que tu m'en as parlé. Hey, ça devient comme une traînée de poudre, cette expression-là. Du côté du eShop avec Nintendo, beaucoup de bons jeux qui sont disponibles sur la Virtual Console, autant du côté de la 3DS que Wii U, parce que Switch n'a toujours pas de rétrocompatibilité. Ça commence à faire dur. Eh oui. Mais tiens, parlant de rétrocompatibilité, allons du côté de PlayStation, qui ont annoncé cette semaine qu'une série classique fait son arrivée sur PlayStation 4. C'est la série de Jak and Daxter. Ah oui! Donc, Jak and Daxter 1, 2, 3 et Jak and Daxter Racing qui vont être disponibles, en fait, qui sont disponibles sur le PlayStation Store de cette semaine. Donc, vous pouvez aller vous procurer cela si jamais vous voulez pas des jeux copies physiques. C'est ça. Mais ça, c'est vraiment le fun qui ramène ces séries-là. Les Crash Bandicoot, les... c'est quoi le raton laveur, là? Sly. C'est ça. C'est le fun. C'est ça. Command and Conquer, des choses du genre. Exactement. Effectivement. Sinon, si vous désirez toujours avoir une SNES classique, bonne chance. Oui. Parce qu'elles ne sont toujours pas super faciles à obtenir. Elles ne sont pas comme une traînée de poudre. Ne sont absolument pas comme une traînée de poudre. Même son cloche du côté de la NES classique, qui n'est toujours pas disponible, mais qui est censé revenir en 2018. Hey, parlant de faire dur, là, sérieusement, Nintendo, là, comment? Même Apple, il y a des iPhone 10 disponibles, apparemment. Ben ouais. Tiens. Fait qu'on se dépêche, hein? Ben, disponible, c'est un grand mot, parce qu'il faut que tu payes genre 1700$. Un contrat, c'est pas super. Oui, c'est ça. Certains diront. Échappe-le pas, par contre. Non. Il fait bien attention, le gars qui m'achète. Oui. Oui. J'espère. Mon ami. Ton ami. Par contre, 2018 semble prometteur. Si on regarde ça rapidement, là, justement, la NES classique revient. Beaucoup de sorties qui sont attendues, dont quelque chose qui a été annoncé cette semaine, Mega Man 11. Oui, pour l'anniversaire de Mega Man. Et il a l'air très beau. Vraiment dans le style classique des premiers Mega Man sur NES, mais avec des graphiques revampés. Mm-hmm. Vraiment, ça va être à surveiller du côté de 2018. J'ai hâte de voir si ça va être un succès ou s'il va y avoir des trucs qui clochent là-dedans, comme le Sonic Forces ou je sais pas trop quel autre jeu qui ont été des échecs, si on veut. Ouais. Mais Sonic Forces, j'ai pas encore essayé. Par contre, il semblait intéressant. J'ai peur d'être déçu. Ouais, c'est ça. Il me semble que les critiques sont pas si bonnes que ça versus Sonic Mania. Parce que Sonic Mania, c'est uniquement style classique. Oui, c'est ça, exact. Là, il y a intégré un espèce de Sonic Generations mélangé avec du classique. Ouais. Ouais, je vais peut-être le louer, tiens. Peut-être. En tout cas, tu l'as pas mis sur ta liste de cadeaux. Non. Ouais. Non. Sinon, pour les amateurs du genre, Assassin's Creed Origin, qui a d'excellentes critiques aussi, qui se passe à l'époque égyptienne, c'est disponible sur à peu près n'importe quelle console, sauf chez Nintendo. Ouais. Et, tu sais, je vais faire une petite annonce pour ceux qui aiment Call of Duty. Je ne suis pas nécessairement fan de la série, parce que j'aime plus le côté rétro. C'est ça ton annonce? Non. Ok, je t'écoute. C'est que j'ai joué au dernier, le World War II. Quoi? J'ai joué sur Xbox One et j'ai eu du plaisir, Mathieu. Aïe, j'en reviens pas. Mais il est très bon. Ouais. Je dois l'avouer, il est très bon. Plus justement dans le style de World at War qui était sorti sur la console de précédente. Je le conseille. Qu'est-ce okay. que tu veux? Ben oui. Bon. À contre-gré, ça se dit. Parce que, oui, c'est un bon jeu, je dois l'avouer. Puis, il a laissé ce pourquoi on chialait après à chaque année. Parce que, justement, il ressemble pas au jeu qui s'est sorti à chaque année depuis World at War, c'est-à-dire qu'on s'en va vers l'espace et on ne sait plus où. Mais là, on retourne. C'est le fun de varier une fois de temps en temps. Mais là, on retourne à la base, puis vers ce qui est intéressant dans le jeu, c'est-à-dire le gameplay. Ouais. Et voilà, de ce côté-là. Du côté, encore PS4, tiens. Pour gâter ceux qui sont sur les consoles nouvelle génération. Ouais, ça c'est encore vraiment cher une PS4 aussi. Oui, en effet. Oui. Mais ça se trouve, ouais. Peut-être pas la pro. Ouais, là, calme-toi. Mais tu sais, si tu magasines un peu, des fois, ça te dérange pas d'avoir une console d'occasion. Ouais. Et pour vrai, ça vaut la peine. Oui, en effet. Étant celui qui a acheté une Switch d'occasion, ce que j'aurais jamais pensé faire, une console d'occasion, ça vaut la peine. Vraiment. Mais dans ce cas, je vous propose Nier Automata. Ok. Qui est un jeu qui est pas nécessairement hyper connu, mais qui mérite d'être connu, justement. C'est aussi disponible sur Steam, mais je vous conseille peut-être la version PS4. C'est une espèce de RPG futuriste dans lequel il y a des robots, mais un peu cyborgs, disons. Mm-hmm. Et c'est vraiment l'histoire qui est excellente dans ce jeu-là, mais le gameplay est tout aussi intéressant. Donc, ce serait mon conseil côté PS4, Nier Automata. Cool. Sinon, ben, y a toujours d'autres classiques comme Destiny, qui sont des bons choix. Pas nécessairement mon choix, non. Mais qui sont des bons choix. Il en faut pour tout le monde. Oui. Ou sinon, encore toujours du côté de PS4, Horizon Zero Dawn, dont les graphiques sont vraiment à couper le souffle. Ça fait pas mal le tour. Caline, même son de cloche. Même son de cloche. Comme une traînée de poudre. Et voilà. Merci, Frédéric Simon. Une autre chronique dans deux semaines, évidemment. Oui. Hein? Comme toujours. On espère. Et là, le sapin. En fait, en même temps, on dit que t'as rempli notre dessous de sapin, mais la plupart de ces jeux-là, on peut les avoir de façon aérienne, info-nuagique. En mais effet. Ça prend pas de place, t'sais. Ça prend pas de place, mais... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même pouvoir déballer un petit quelque chose. Ouais, au pire, une petite carte cadeau du PlayStation Store. Ou de Steam, s'il y en a qui est PC Master Race. Ouais, c'est ça, c'est pas nous autres, ça. Non, pas vraiment. Non. Ah, bref, merci encore, frère Simon. Merci à toi, Mathieu. Pour deux semaines au Mathieu Plante Show. À ton tour, on avait entendu une pièce de Cytone sur l'album Keepsake. On écoute une deuxième. Voici Kaleidoscope au Mathieu Plante Show. We'll be right back. So much the people we touch from singing some songs. You help me the same, we bring you along. The holidays are still stressful. Despite all that, it feels special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Thank you. Un échantillon de l'album Scarlet Moon Christmas Volume 2, la suite du volume 1 sorti l'an dernier. Donc on prend les chansons de Noël et on mélange ça avec des chansons de jeux vidéo à des pièces de Bubble Bobble, Knights, Shenmue, F-Zero, Final Fantasy X et plusieurs au Folly des Fêtes. L'album Scarlet Moon Christmas Volume 2 qui est sur Bandcamp. Si ça vous intéresse, c'est scarletmoonrecords.bandcamp.com. Toujours Mathieu Planchot, maintenant c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique qui remercie la science d'exister, bien sûr. Donc on parle de science, de technologie, de médecine. On commence avec une encre vivante imprimée en 3D qui pourrait révolutionner la greffe de peau. Des chercheurs ont inventé un gel incorporant des bactéries qui, par exemple, pourraient permettre de créer des structures en cellulose utiles pour la chirurgie. Donc, des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Zurich viennent de mettre au point une encre d'un nouveau type qui pourrait révolutionner, oui, certaines pratiques médicales comme la greffe de peau ou le transplant et la transplantation d'organes. Constituée d'un gel sucré dopé aux bactéries, l'acétobactère Xylinum, elle permet de créer des formes 3D vivantes qui, exposées à l'oxygène, vont faire pousser de la cellulose. Cette matière, qui est également le principal constituant des parois des cellules végétales, est fabriquée par les bactéries lorsqu'elles consomment le gel. Grâce à son état fibreux, elle permet de reproduire parfaitement la forme 3D initiale. L'avantage de la cellulose, c'est qu'elle n'est pas rejetée par le corps humain. Beaucoup de chercheurs veulent l'utiliser pour créer des tissus artificiels. Jusqu'à présent, le problème était qu'on ne pouvait la créer que de manière plane. La technique des chercheurs de Zurich ouvre la voie à un usage beaucoup plus large de la cellulose. On peut imaginer la création d'une peau artificielle ou de patchs favorisant la cicatrisation de plaies. Les structures 3D de cellulose permettraient également de créer des enveloppes naturelles pour protéger des organes à transplanter. À titre d'exemple, les chercheurs ont pris la tête d'une poupée, ils ont déposé sur le visage une couche de ce gel vivant et ont pu récupérer, après un certain temps, un film résistant qui pourrait servir dans le cadre d'une greffe de peau. Les chercheurs ont également créé une structure en forme de plastique, histoire de montrer les capacités de leur technique. Les chercheurs imaginent également des cas d'usage d'ordre écologique en remplaçant les acétobactères Xylinum par des pseudo-monas putida. On obtient un gel capable de se débarrasser de certains polluants environnementaux. Ensuite, parlons de migraines, de nouveaux médicaments à l'essai. Une nouvelle génération de médicaments, des anticorps monoclonaux, pourrait bientôt arriver sur le marché pour prévenir les migraines. Deux publications scientifiques récentes décrivent les résultats d'essais cliniques. Ces derniers ont été financés par les firmes pharmaceutiques qui développent ces molécules. La migraine, c'est plus qu'un mal de tête. Elle s'accompagne d'autres symptômes tels que la nausée, la sensibilité à la lumière et au bruit, la fatigue. Le traitement actuel utilise des triptans, des médicaments souvent efficaces mais présentant des effets secondaires. De nouveaux médicaments contre la migraine donc sont en cours d'essai. Il s'agit d'anticorps monoclonaux visant à empêcher l'action d'un peptide connu pour jouer un rôle dans la migraine qui est le CGRP, Calcitonin Gene Related Peptide. Les résultats des deux essais cliniques sont parus dans la revue New England Journal of Medicine et le premier médicament Erinumab, développé par Novartis et Amgen a été testé pendant 6 mois dans un essai comprenant 955 patients. Le médicament se présente sous la forme d'une injection mensuelle. Alors qu'au départ, les patients avaient en moyenne 8 journées de migraine par mois, ce nombre pouvait être réduit de 3 à 4 jours avec le traitement, contre 1,8 seulement avec le placebo. Erinumab cible le récepteur du CGRP. L'autre essai clinique concernait le Fremanezumab, j'ai une dyslexie complète aujourd'hui, Fremanezumab, développé par Teva Pharmaceutical. Les résultats ont montré que le traitement mensuel réduisait en moyenne de 4,6 jours la durée des migraines chaque mois, avec des variations en fonction des patients, sachant qu'au départ, ils avaient environ 13 journées de migraine par mois. Le Fremanezumab se lie au CGRP et bloque son action. L'utilisation des anticorps monoclonaux pour la prévention des migraines intéresse aussi la firme Eli Lilly, qui fait des essais cliniques avec un autre anticorps monoclonal, le galcanezumab. Bref, le coût de ces nouveaux traitements sera probablement très élevé, au moins 8 000 $ US par année. On note que la durée assez courte des essais ne permet pas de connaître les effets à long terme de ces médicaments. Par ailleurs, on pourrait attendre d'un traitement miracle et coûteux qui supprime les migraines chez 100% des patients, donc on va attendre de voir si ça fonctionne un jour. Parlons d'une bactérie découverte dans l'espace sur l'International Space Station, la station spatiale internationale. Les scientifiques russes qui ont étudié les échantillons rapportés sur Terre s'interrogent sur leur origine terrestre ou extraterrestre, donc des bactéries qui ont été découvertes à l'extérieur de la station spatiale. Le cosmonaute Anton Shkaplerov a rapporté à l'agence d'information russe TASS que des bactéries vivantes ont été découvertes à l'extérieur de la Station spatiale internationale. L'échantillon qui a été rapporté sur Terre pour être étudié a été collecté avec des cotons-tiges lors de l'un des examens réguliers de la surface externe du vaisseau orbital par ses passagers. Ces bactéries ont été trouvées dans des dépôts de déchets de carburant déchargés par les moteurs. Quelle est l'origine de ces bactéries? Comment sont-elles arrivées là? Certains estiment qu'il s'agirait peut-être des premières formes de vie extraterrestre découvertes. Pour l'instant, les chercheurs pensent plutôt à une origine accidentellement humaine. Il est probable qu'elles soient arrivées à bord de la station avec du matériel comme des tablettes apportées pour être testées sur de longues périodes dans l'environnement spatial. Quand bien même ces organismes ne seraient pas d'origine extraterrestre, découvrir des colonies de bactéries qui survivent dans un milieu aussi hostile pour l'homme que l'espace reste extraordinaire, nous dit Futura Science. Là-haut, en dehors de l'atmosphère terrestre, à quelques 400 km au-dessus de la Terre ferme, elles ont ainsi résisté à des températures pouvant atteindre 121 degrés Celsius au soleil et moins 157 degrés à l'ombre. Les bactéries ont déjà été découvertes à l'extérieur de la station spatiale précédemment, mais à chaque fois, leur origine terrestre a été établie. On rappelle qu'en décembre, Anton Shkaplerov va regagner l'ISS. Des antibiotiques maintenant qui réduiraient l'efficacité des cellules immunitaires. Des chercheurs américains ont trouvé que chez la souris, les antibiotiques modifient l'environnement biochimique des cellules pendant l'infection. Conséquence, les antibiotiques gêneraient l'activité du système immunitaire censé éliminer les bactéries. Normalement, un traitement antibiotique doit aider l'organisme à éliminer les bactéries responsables d'une infection. Pourtant, des chercheurs ont eu la surprise de constater que les antibiotiques réduisaient la capacité du système immunitaire à détruire des bactéries. Précédemment, il avait déjà été montré que les antibiotiques pouvaient altérer les mitochondries et des cellules épithéliales humaines. Dans une récente étude parue dans Cell Host and Microbe, des chercheurs ont traité les souris infectées par Escherichia coli avec un antibiotique, la ciprofloxacine. J'ai vraiment choisi des articles avec les noms les plus compliqués. Ils ont trouvé que le traitement antibiotique conduisait les cellules à libérer des métabolites comme l'AMP, qui avait tendance à rendre E. coli plus résistante à l'antibiotique. De plus, ce dernier inhibait l'activité respiratoire des cellules immunitaires, ce qui gênait la réponse immunitaire. James Collins, un des auteurs de cet article, a expliqué dans un communiqué de l'Institut Broad, à Cambridge, au Massachusetts, aux États-Unis, que certes, on pouvait s'attendre à ce que les antibiotiques aient un effet sur des cellules bactériennes, mais que pourtant, ici, ils semblent déclencher des réponses dans les cellules de mammifères. Les médicaments produisent des changements qui sont en fait contre-productifs pour l'effort de traitement. Ils réduisent la susceptibilité bactérienne aux antibiotiques et les médicaments eux-mêmes réduisent le bénéfice fonctionnel des cellules immunitaires. D'autres travaux sont nécessaires pour savoir comment ces résultats s'appliquent à la santé humaine. Dans un contexte où les résistances aux antibiotiques représentent un problème croissant, la compréhension de l'action des antibiotiques sur l'environnement cellulaire est particulièrement importante. L'addiction au smartphone crée un déséquilibre dans le cerveau. Oui, le terme « dépendance au téléphone intelligent » ou « addiction au smartphone » en lui-même indique rien de bon, mais... Excepté les implications sociales résultant de cette addiction, les personnes en souffrant pourraient croire être à l'abri, oui. Selon une étude récente, cette dépendance au smartphone causerait aussi un véritable déséquilibre dans le cerveau. Une étude présentée tout récemment à la Radiological Society of North America durant leur conférence annuelle a étudié les cerveaux de 19 adolescents âgés en moyenne de 15,9 ans souffrant d'une addiction reconnue à leur téléphone et à Internet grâce à la spectroscopie par résonance magnétique. 19 autres adolescents sains du même âge ont servi de groupe témoin. Chez les patients souffrant d'addiction, un score plus élevé concernant la dépression, l'anxiété, l'insomnie et l'impulsivité. Les examens ont aussi révélé que, par rapport à des personnes saines, les patients dépendants ont un ratio plus élevé d'acide Y-aminobutyrique, le GABA, sur le glutamate-glutamine dans leur cortex singulaire antérieur. Il faudra des études plus approfondies pour bien comprendre les implications de ces découvertes, mais pour le docteur Yung Suk Seo, professeur de radiologie à l'Université de Corée de Séoul, en Corée du Sud, qui a dirigé l'étude, ces niveaux élevés de GABA pourraient être liés à une perte fonctionnelle d'intégration et de régulation des traitements dans le réseau neural, cognitif et émotionnel. Ensuite, faut-il manger du chocolat pour être prix Nobel? Le scientifique Franz Masserli a un jour fait un constat troublant. Les pays qui reçoivent le plus de prix Nobel proportionnellement à la population sont aussi ceux qui consomment davantage de chocolat par personne. Faut-il voir un lien là-dedans? Sûrement pas, mais la corrélation a quand même un petit quelque chose. Le nombre de cigognes sur un territoire est lié à la natalité d'un pays où... ça, c'est un fait. Saviez-vous que le nombre de cigognes sur un territoire est lié à la natalité d'un pays? Ou qu'on peut faire un rapprochement entre la quantité de lampadaires et le taux de suicide? Oui, ce sont des corrélations stupides et on peut y ajouter maintenant le rapport établi par Franz Messerli entre la consommation de chocolat par habitant d'un pays et la propension de ce dernier à fournir des prix Nobel en tout genre. Le chocolat comme le thé vert ou le vin rouge pourrait nous rendre plus intelligents. C'est du moins ce que constatent certaines études qui attribuent cette propriété au flavanol contenu dans ces denrées, qui ralentirait votre, ralentirait voire neutraliserait le déclin cognitif dû à l'âge. Concrètement, on vieillit, mais le cerveau reste jeune. Cependant, ça ne fait pas l'unanimité dans le monde de la recherche et les experts en débattent. Mon Franz Meserly du St. Luke's Roosevelt Hospital de New York était en voyage à Katmandou au Népal, n'ayant rien à faire pour s'occuper dans sa chambre d'hôtel, il a eu l'idée de vérifier de manière très théorique l'impact de ces flavanols sur l'intelligence. Pour estimer la consommation de chocolat, il est allé s'en référer aux ventes des plus grands producteurs dans 22 pays du monde. Et pour mesurer l'intelligence, quoi de mieux que les prix Nobel? Donc le voici sur l'encyclopédie participative en ligne Wikipédia pour relever le nombre de personnes distinguées par pays depuis le début jusqu'à l'édition de 2011. Le tout a été comparé par des tests statistiques et finalement publié dans le très sérieux New England Journal of Medicine qui profite de l'actualité pour sortir cet article. Voilà. Le chercheur, non sans ironie, se dit stupéfait par les résultats observés. Plus la consommation de chocolat par habitant est forte, plus un territoire a de chances de fournir un prix Nobel. En tête de ce classement, les Suisses, plus gros consommateurs de cacao et parmi les pays les plus distingués par tête de pipe. Si on accepte la Suède pour le moment, l'auteur a pu établir un coefficient de corrélation entre les données comparées, égal à 0,862. La France est au milieu de peloton. Les États-Unis, l'Irlande et les Pays-Bas sont derrière le Danemark. Danemark, l'Autriche, la Norvège, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Voilà. Pour qu'un État obtienne davantage de récompenses, il lui faudrait augmenter sa consommation de chocolat par habitant de 400 grammes chaque année, soit 1,1 gramme de plus par jour. Voilà. Il y a d'autres détails sur l'étude sur assemblagerequis.com. C'est de l'ironie, on aime ça. Ensuite, un homme qui doit boire 20 litres d'eau par jour pour rester en vie. L'architecte allemand Mark Wubbenhorst doit boire au moins 20 litres d'eau par jour au risque de mourir de déshydratation. À 35 ans, il souffre d'une maladie du métabolisme rare, le diabète insipide, lequel cause une intense soif et l'élimination de grands volumes d'urine diluée. S'il ne boit pas, il peut donc mourir en quelques heures. Cette soif constante, une maladie qui touche une personne sur 25 000 dans le monde, a toujours fait partie de la vie de Mark Wubbenhorst, aussi loin qu'il puisse se souvenir. Son corps ne retient pas l'eau parce que ses reins éliminent les fluides presque aussi rapidement qu'il les ingère. Après une seule heure sans boire, il ressent déjà de graves symptômes de déshydratation, comme les lèvres abîmées ou des vertiges. Des symptômes qu'on ressent normalement qu'après deux ou trois jours sans boire. Mark Wubbenhorst est né avec ce diabète insipide. Enfant, il a pu vivre relativement normalement, mais sa maladie finissait par le plonger dans une profonde dépression. Mark Wubbenhorst attaque chaque jour en buvant une grande bouteille d'eau, rapidement suivi d'un tour aux toilettes. Le pire, c'est la nuit, dit-il. L'architecte admet ne jamais pouvoir dormir plus de deux heures de suite, obligé de se lever pour boire et aller aux toilettes. Au total, il y va 50 fois en 24 heures. S'il a pris l'habitude de toujours planifier pour avoir toujours à disposition de l'eau et des toilettes, il a bien failli mourir après une dure journée de travail, se retrouvant à 22h30 dans un train pour rentrer chez lui sans bouteille d'eau, et le train est tombé en panne. Enfin arrivé à la gare, il ressentait de graves symptômes. Heureusement, un ami était là pour lui donner de l'eau et lui sauver la vie. Quelle histoire! Continuons avec les hommes qui préfèrent les femmes fines. Fines comme dans maigres, depuis toujours. Un scientifique l'avait démontré en 2007, les hommes dans toutes les cultures et depuis des temps immémoriaux ont un penchant pour les femmes à la taille fine. Mais pourquoi? L'attractivité physique entre êtres humains était sa spécialité. Pour approfondir son sujet, Devendra Singh, professeur au département de psychologie de l'Université du Texas à Austin, décédé en 2010, s'était plongé dans la littérature mondiale, à commencer par celle des Britanniques des 16e, 17e et 18e siècles. Le travail publié en 2007 dans Proceedings of the Royal Society B a été effectué sur une base de données compilant 345 000 œuvres, y compris américaines, mais celles-ci n'ont pas été retenues. Lui et son équipe avaient déjà exploré les écrits indiens du 1er siècle et la culture chinoise du 4e siècle. Pourquoi éviter les États-Unis? Parce que l'influence occidentale est devenue trop forte, brouillant les cultures et empêchant de distinguer facilement ce qui vient de l'Occident de ce qui est commun à toute l'humanité. Dans cette vaste base de données, les scientifiques ont cherché des associations entre les noms de certaines parties du corps, comme taille, hanche, sein, fesse, avec des qualificatifs comme fin ou dodu. Le résultat, selon les auteurs, est sans appel. Dans toutes les œuvres étudiées, le seul point commun lié à la beauté féminine vue par les hommes est la finesse de la taille. Encore plus loin dans le temps, ajoutent les chercheurs, les commentaires sur le physique de Nefertari, bien sûr, qui fut la favorite de Ramsès II il y a 4000 ans, font explicitement référence à sa taille mince. À propos des autres parties du corps considérées comme sexuellement attractives ou attirantes, les avis divergent selon les époques. Les seins de taille généreuse sont-ils beaux? Voilà par exemple un critère qui ne recueille pas l'unanimité. L'attirance des humains même mâle pour la sveltesse de leur compagne potentielle ne serait donc nullement un phénomène culturel ni lié à une mode passagère. Les auteurs rapportent cependant une observation contraire. En 1998, une enquête effectuée chez les Massijenka, un peuple tribal du Pérou, consistant à demander à des hommes de choisir parmi les silhouettes féminines, a indiqué une nette préférence pour les formes réplates. Interrogés sur leur choix, certains expliquaient que les femmes minces semblaient avoir souffert de fièvre ou de diarrhée. Si on met de côté cette exception, il reste à expliquer la quasi-universalité de l'attirance des tailles de guêpes. Les auteurs en appellent au subconscient et à des réflexes mis en place par l'évolution. Les hommes rechercheraient chez la femme des signes de bonne santé et de fertilité. Le ventre plat serait un marqueur de bonne forme et de haut niveau d'hormones sexuelles, comme les estrogènes. De la même manière, une théorie voisine explique l'attirance pour les silhouettes bien symétriques, comme une préférence inconsciente pour des gènes en bon ordre. Donc, au passage, disent les auteurs de l'équipe, voilà qui explique la mode des corsets au 17e et 18e siècle, mais ils sont alors contraints de ne pas considérer comme significatives les formes plantureuses exhibées dans les peintures de la Renaissance, comme chez Rubens. Au Pérou ou à la Renaissance, les hommes font donc parfois mentir cette règle. Après tout, cette étude démontre qu'elle ne vient que du subconscient. Il reste donc au mâle leur humanité pour décider de l'appliquer ou non. S'ils le faisaient systématiquement depuis les débuts de l'Homo sapiens, seules les fluettes auraient survécu, nous dit Futura Science. La présence constante de formes rondes dans la jante féminine indique le contraire. Et pour terminer, le mariage ne rendrait pas fou, bien au contraire. Par rapport aux personnes mariées, celles qui ne se sont jamais mariées auraient 42% de risque de plus de souffrir de démence. D'après cette étude portant sur plus de 800 000 personnes, les veufs et veuves seraient aussi plus à risque. Le mariage est une décision importante à prendre dans la vie, évidemment, et si on se mariait pour rester en bonne santé. Différentes études ont déjà montré certains bienfaits du mariage sur la santé. Globalement, les personnes mariées ont un style de vie plus sain et une mortalité plus faible. Par exemple, la santé des Américains mariés est meilleure que celle des célibataires. Dans un article paru dans la revue Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, une équipe de la University College of London a voulu examiner le lien entre le statut marital et le risque de démence. Dans leur introduction, les auteurs expliquent que, comme de plus en plus de personnes souffrent de démence, il est donc important de connaître les facteurs qui favorisent cette pathologie. Les chercheurs ont regroupé les résultats de 15 études impliquant des participants de différents pays dans le monde, Amérique du Sud, Asie, Europe et États-Unis. En tout, la cohorte comprenait 812 047 personnes. Les chercheurs ont alors trouvé que ceux qui restaient célibataires toute leur vie avaient 42% de risque de plus de développer une démence par rapport aux personnes mariées. Avec un risque de démence accru de 42%, le statut marital s'affiche donc comme un facteur comparable à l'inactivité physique, par exemple. Les veufs et veuves étaient aussi plus à risque, avec 20% de risque en plus d'avoir une démence par rapport aux personnes mariées. En revanche, les personnes divorcées n'avaient pas de risque en plus de démence. Dans la discussion, les auteurs expliquent que la fin d'un mariage peut augmenter le risque de démence à cause de l'effet néfaste du stress sur les neurones de l'hippocampe et sur la cognition. Or, le veuvage est plus stressant qu'un divorce. Une autre hypothèse pour expliquer ces résultats est que le développement de la démence soit lié à des traits de personnalité. Les personnes qui ont des difficultés à communiquer et qui sont plus à risque de démence auraient plus de chances de rester seules. Voilà pour Merci Science! Il nous reste encore le segment Geek CNX et le bloc Tout ce qui bouge plus tard à l'émission, mais pour l'instant, on écoute une pièce qui s'appelle Demon Seed de Castlevania 3. Tout de suite au Mathieu Plante Show. We'll be right back. Thank you. pièce Echo Jr. précédée de Garfield par Temp Sound Solutions sur l'album Now You're Playing with Power X and Game. Un album qui reprend des pièces méconnues de jeux vidéo qui retravaille version band complet, c'est vraiment cool. On a entendu deux pièces de ça et avant on a entendu un single Demon Seed du jeu Castlevania 3 par Joshua Moore. C'est une tradition, il sort ça à chaque année dans le coin de l'Halloween, mais je trouvais que ça fitait très bien même si c'est pas Halloween du tout en ce moment. Ça vient du jeu Castlevania 3 Dracula's Curse. Voilà. Toujours Mathieu Plancho et maintenant c'est le segment geek Cynix. Cynix, où on parle de choses de cool, nouvelles et extrêmement intéressantes, et on commence en impression 3D avec des objets en plastique connectés au Wi-Fi. Des chercheurs de l'Université de Washington ont fabriqué des objets en plastique par impression 3D qui peuvent se connecter à Internet via Wi-Fi en réfléchissant les ondes ambiantes. À première vue, le plastique et les ondes Wi-Fi ne font pas bon ménage. Pourtant, une équipe de chercheurs a réussi à créer des objets connectés dans cette matière. Un bouchon de lessive qui peut déclencher une commande lorsqu'il détecte qu'il ne reste plus qu'un seul produit. Un capteur qui envoie une alarme à votre smartphone lorsqu'il détecte une fuite d'eau. Un anémomètre, qui est un instrument qui permet de mesurer la vitesse et la pression du vent. Un interrupteur, une poignée et un curseur qui peuvent commander d'autres appareils. Ces objets ne contiennent ni électronique ni batterie pour l'alimentation. C'est d'autant plus étonnant que quiconque possède ou peut avoir accès à une imprimante 3D a maintenant la possibilité de fabriquer ces objets et de reproduire l'expérience grâce aux fichiers CAD mis à disposition par les inventeurs. Pour créer ces objets communicants, les chercheurs ont donc eu recours à l'impression 3D et à une technique appelée le backscattering ou la rétrodiffusion. Le procédé s'appuie sur une antenne intégrée à l'objet qui va réfléchir un signal radio émis par un routeur Wi-Fi, créant un profil qui est ensuite décodé sous forme de commande par un récepteur Wi-Fi présent par exemple dans un smartphone. La dite antenne est invisible, intégrée au moment de la fabrication sous forme de filaments de cuivre. Dans leur article scientifique présenté récemment à l'occasion d'une conférence SIGGRAPH, les chercheurs expliquent qu'ils ont eu recours à des pièces mécaniques pour remplacer les composants électriques chargés habituellement de gérer le signal Wi-Fi. C'est donc le mouvement des objets qui va déclencher un mécanisme, lequel actionne un interrupteur de façon intermittente. Ce dernier se connecte et se déconnecte de l'antenne intégrée pour induire un changement dans la réflexion des ondes. La forme et la largeur de l'engrenage présent dans le mécanisme déterminent la durée du contact avec l'interrupteur, créant ainsi des motifs de signaux réfléchis qui peuvent être décodés par un récepteur Wi-Fi. C'est ainsi, par exemple, que le mouvement d'un curseur en plastique pourra servir à contrôler le volume sonore d'un smartphone ou d'une enceinte connectée. Autre cas pratique, le bouchon placé sur un bidon de lessive contient un mécanisme qui s'actionne au moment où le produit est versé et la vitesse de rotation permet de mesurer la quantité de lessive qui s'écoule. À un certain point, le signal Wi-Fi envoyé par le bouchon indiquera que le niveau du produit est bas, ce qui déclenchera une commande de lessive sur un site marchand. L'Université de Washington a déjà travaillé sur le principe de backscattering dont elle s'était servie pour créer un Wi-Fi passif qui consomme 10 000 fois moins d'énergie que le Wi-Fi actuel. Cette nouvelle expérimentation ouvre des perspectives intéressantes pour la création de réseaux d'objets connectés sur mesure simple et peu onéreux. Ensuite, un réseau de neurones pour améliorer les photos en basse résolution. Quand on voit des films ou des séries télé, les experts prennent des images pixelisées et peuvent lire un petit détail en demandant de zoomer dessus. Aujourd'hui, la réalité pourrait rejoindre cette fiction parce que les chercheurs ont mis au point une intelligence artificielle basée sur un réseau de neurones pour améliorer ce genre d'image. Il y avait déjà ce qu'on appelle l'attinence, mais Google avait appris à faire à l'une de ses intelligences artificielles que oui, même Google avait appris à faire ça à une de ses intelligences artificielles, oui. Donc voici qu'arrive Deep Image Prior, un réseau de neurones capable non seulement d'améliorer les photos en basse résolution, mais aussi apparemment de corriger les fichiers images corrompus. Contrairement aux autres méthodes qui nécessitent un apprentissage de l'intelligence artificielle, Deep Image Prior utilise l'image existante comme guide. Je cite, notre méthode utilise un convnet initialisé aléatoirement pour échantillonner l'image en utilisant sa structure comme pré-image. De manière assez similaire à l'échantillonnage bicubique, cette méthode ne nécessite aucun apprentissage mais produit des résultats bien plus propres avec des contours plus nets. Reste à savoir maintenant si cet algorithme sera implémenté dans des outils d'édition photo, par exemple Photoshop. Parlant d'intelligence artificielle, on peut maintenant apprendre une langue sans aide humaine. Des chercheurs travaillant sur des projets indépendants ont créé des intelligences artificielles bilingues qui peuvent apprendre une nouvelle langue sans piocher dans un dictionnaire existant et même sans aucune intervention humaine. Imaginez que vous donniez à une personne de nombreux livres en chinois et en arabe, tous différents, et que vous lui demandiez de traduire du chinois à l'arabe. Ça semble impossible. J'ai dit arabe là, hein, je crois. Arabe. Cela semble impossible. Eh bien, un ordinateur peut maintenant le faire. Voilà l'annonce d'un ingénieur informaticien à l'Université du Pays Basque de San Sebastián en Espagne. Il est l'auteur de l'un des deux articles scientifiques publiés sur Archive et qui décrivent une méthode d'apprentissage automatique, dont du machine learning non supervisé, capable de réaliser des traductions sans recourir à un dictionnaire. Le système fonctionne également sans texte parallèle ou identique existant dans une autre langue. Le second article est nommé « Unsupervised Machine Translation Using Monolingual Corpora Only », totalement indépendant, mais qui utilise la même technique. C'est l'œuvre de Guillaume Lample, un ingénieur en informatique français travaillant pour le département d'intelligence artificielle de Facebook. Dans les deux cas, les chercheurs démontrent qu'un réseau neuronal peut apprendre à traduire une langue sans aller piocher dans le dictionnaire. Ces dernières années, donc, la traduction automatique a fait d'immenses progrès grâce aux réseaux neuronaux qui ont dopé les performances de l'apprentissage automatique. Cependant, ce type d'intelligence artificielle nécessite de gros volumes de contenu traduits préalablement par des humains. La traduction est le fruit d'un apprentissage supervisé au cours duquel la machine fait une supposition puis reçoit la réponse correcte d'un humain, ce qui lui permet ensuite d'ajuster son traitement en conséquence. Cette méthode est efficace pour les langues très répandues, l'anglais ou le français par exemple, pour lesquelles il existe de nombreux documents parallèles, mais elle fonctionne nettement moins bien pour des langues rares qui n'offrent pas un tel corpus. Dans le cas des deux nouvelles méthodes dont il est question, les experts ont développé un apprentissage automatique non supervisé. Pour cela, ils se sont appuyés sur les associations identiques qui existent entre des mots, quelle que soit la langue. Par exemple, le mot « table », qui est souvent employé pour le mot, avec le mot « chaise ». Partant de là, la machine va cartographier ses connexions pour chaque langue, un peu comme un atlas routier où les mots remplaceraient les noms des villes. L'intelligence artificielle rapproche ensuite ses cartes et repère les connexions similaires, mais avec des noms différents. C'est ainsi qu'on obtient un dictionnaire bilingue sans données préalables. Les deux systèmes d'intelligence artificielle sont capables de traduire non seulement des mots individuels, mais aussi des phrases complètes. Pour ce faire, deux techniques d'entraînement sont utilisées. La première s'appelle « back translation » ou la traduction inversée, qui consiste à traduire grossièrement une phrase, voilà, c'est le mot le plus facile de l'article, d'une langue vers une autre, puis à la traduire à nouveau dans sa langue d'origine. Si la traduction de retour n'est pas identique à l'original, le réseau neuronal ajustera son fonctionnement en conséquence. La seconde technique d'entraînement s'appelle le denoising, qu'on peut traduire par une réduction du bruit. C'est similaire à la traduction inversée dans son principe. Elle consiste à ajouter ou à retirer des mots à une phrase, puis à la traduire, cette phrase-là. C'est en comblant ces deux techniques que les chercheurs ont obtenu le meilleur résultat. Au cœur des deux systèmes, celui de Michael Artext et celui de Guillaume Lample, se trouve une étape qui crée une représentation plus abstraite d'une phrase avant de la traduire dans une autre langue. Cette capacité d'abstraction est un élément clé dans la perspective de la création de l'intelligence artificielle généraliste. Interrogés, les deux chercheurs ont estimé qu'ils pourraient progresser en intégrant les variantes de leurs techniques respectives. On va chez les robots maintenant, un avocat robot pour aider les victimes d'agressions sexuelles. Une jeune entreprise montréalaise a mis au point un robot qui pourra recueillir les témoignages de victimes d'agressions sexuelles et les aider à naviguer dans le système de justice. Le robot de Butler AI a examiné quelques 300 000 documents de cours criminels aux États-Unis et au Canada. En utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, il pourra examiner des plaintes et déterminer s'il s'agit d'actes criminels. Si c'est le cas, il fournira à la victime un rapport d'incident qu'elle pourra ensuite remettre aux autorités. Selon Yoshua Bengio, directeur scientifique de l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal et conseiller stratégique chez Butler AI, de tels robots peuvent aider les victimes dans le besoin. Légalement, le robot de Butler AI ne peut pas donner de conseils juridiques. Les règles sont très claires. On ne peut pas donner de conseils juridiques sans avoir été admis au barreau, précise le fondateur de l'entreprise. Par contre, ils examinent la possibilité de permettre à notre robot de passer l'examen au barreau. Butler AI en dépasse sa première expérience en la matière. L'entreprise avait lancé au début de 2017 un robot pour aider les immigrants potentiels à trouver un programme d'accueil et à remplir les documents nécessaires. Leur mission, disent-ils, est d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider les gens dans toutes sortes de problèmes d'ordre juridique. On promet de créer une série de programmes pour aider les victimes d'injustice. Ensuite, la maison intelligente qui rassure, on l'appelle House, H-O-W-Z. L'entreprise britannique IntelliSent a décroché le prix EDF Pulse 2017 dans la catégorie Smart Home grâce à un système ingénieux qui permet aux proches de suivre les activités d'une personne seule à la maison, sans indiscrétion ni intrusion dans la vie privée. C'est assez simple, nous dit-on, mais il fallait y penser. C'est l'entreprise britannique We IntelliSound qui est à l'origine du projet House. L'idée est, qui a été récompensée par le prix EDF Pulse dans la catégorie Smart Home est celle d'une surveillance consentie avec un matériel léger, facile à installer et qui fournit juste l'information nécessaire. Suivi des mouvements et suivi de la consommation électrique, pas de caméra, pas de détecteur de chute, pas de matériel sophistiqué, seulement quelques capteurs à placer sur des portes et sur des prises de courant bien choisies, ainsi qu'un détecteur de mouvement, plus une boîte, un boîtier relié par téléphone au réseau Internet. Il n'y a même pas de fil, même pas besoin d'installateur. Ensuite, un peu d'informatique et voilà un suivi d'activité minimaliste mais efficace. L'appareil apprend lui-même à connaître les habitudes de la personne au cours de la journée et de la semaine. Par exemple, l'allumage le matin de la lumière ou des plaques électriques. L'ouverture de la porte principale vers l'extérieur ou des volets, les stores, les rideaux. L'extinction des lumières le soir, etc. Ces informations sont transmises au boîtier, envoyées à un serveur et consultables par les membres de la famille. On saura alors que maman ou grand-maman vaque à ses occupations. Le système House fonctionne aussi en mode alerte, capable de repérer si la personne déroge à ses habitudes. La bouilloire pour le thé n'a pas été allumée comme tous les jours à cette heure-là. Et bien, le système va le savoir. Ou si la porte n'a pas encore été ouverte le matin, ou le chauffage est resté éteint après l'heure du réveil. Donc, c'est une vigie qui s'adapte toute seule aux horaires habituels. C'est le point fort du système. Ça prend une semaine. Même une fin de semaine et la semaine. Donc 7 jours. OK. Et la machine aura appris ce qu'il faut. Ça aurait été plus simple de dire 7 jours, mais bon. En nouvelle informatique, maintenant, Google qui interdit les pubs sur les écrans de verrouillage. Il était temps. Google a modifié ses règles pour que les applications ne puissent plus envoyer de pubs sur l'écran de verrouillage des smartphones Android. Donc, une nouvelle qui va faire plaisir aux gens qui ont un téléphone Android. Google, après avoir introduit un bloqueur de pubs dans Chrome, a décidé d'interdire aux applications d'afficher ces dites publicités, selon Android Police. À moins que l'application ne soit destinée à l'écran de verrouillage, a indiqué Google par l'intermédiaire d'une modification de ses règles sur la monétisation, les applications ne peuvent pas introduire d'annonces ni de fonctionnalités qui monétisent l'écran verrouillé d'un appareil. Certaines applications, comme ES Explorateur de fichiers, ou encore Hotspot Shield VPN font par exemple partie des applications diffusant ce type de publicité. Il faudra donc qu'elles changent leur façon de faire. La nouvelle règle est d'ailleurs censée s'appliquer immédiatement. Les développeurs qui ont déjà été avertis de cette décision préalablement. Et s'ils n'ont pas fait le ménage, la firme menace de retirer leur application du Play Store dans les prochaines semaines. En agissant ainsi, Google espère améliorer l'expérience utilisateur. Hein? Enfin, on pense aux gens qui s'en servent, pas juste à l'argent à faire avec ça. La firme avait déjà modifié ses règles il y a quelques années dans un contexte similaire. Elle avait en effet interdit aux applications d'envoyer des SMS ou des notifications publicitaires. On reste avec Google qui a utilisé une intelligence artificielle pour créer les cookies, les biscuits parfaits. Google qui a adapté donc son intelligence artificielle pour concevoir la recette parfaite de biscuits. Son seul problème étant qu'il faut aimer le cardamome. Hein? Donc, est-ce que c'est parfait? Ben, ça dépend des gens. Et peut-être que Google donc a trouvé enfin une réelle utilité à l'intelligence artificielle. La société a conçu une recette de biscuits optimale grâce à sa technologie Google AI. Durant toute cette année, une équipe d'ingénieurs basée dans ses locaux de Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui est une ancienne usine de biscuits, d'ailleurs Nabisco, a travaillé sur le sujet. Donc, oubliez les intelligences artificielles qui nous espionnent pour prévenir les suicides, reconnaissent les visages via la vidéosurveillance ou deviennent bilingues toutes seules, comme on vient de dire. Avec cette expérience, on entre dans le dur du sujet. Comment une intelligence artificielle peut-elle nous aider à mieux manger? C'est aussi l'occasion pour Google de montrer que l'intelligence artificielle n'est pas seulement anxiogène, mais qu'elle peut aussi être réconfortante. Pour cela, les spécialistes de l'entreprise ont déterminé des ingrédients de base. Donc le type de chocolat, la quantité de sucre, la farine, la vanille, et ont demandé à l'intelligence artificielle de déterminer leurs proportions. Le résultat était ensuite goûté par l'équipe et noté par rapport à des cookies achetés en magasin. Les notes étaient transmises à l'intelligence artificielle qui ajustait alors sa recette. Ces opérations ont été répétées des dizaines de fois pour obtenir le résultat le plus satisfaisant possible. Mais comme l'humain a encore une bonne longueur d'avance sur la machine en matière de gastronomie, Google a tout de même fait appel à Jeanette Harris, une spécialiste des pâtisseries sans gluten, qui va bientôt disparaître dans la Silicon Valley si on en croit le nombre Qu'est-ce que ça dit là? C'est une phrase bidon de l'article, on s'en fout. Jeanette et le chef John de l'équipe de Google travaillent alors à améliorer cette recette à coups de cardamome et de poivre du Sichuan. Après 59 essais, là encore aidés par l'intelligence artificielle, en résulte enfin cette recette de cookies aux pépites de chocolat et à la cardamome que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. On sait pas si l'intelligence artificielle a vraiment apporté quelque chose tant que ça, mais bon. Ensuite, on passe de Google à Apple. L'Apple Store de Brooklyn qui est équipé d'isolants phoniques du sol au plafond. Magasin, c'est rien d'autre qu'un magasin, nous dit Uber Gizmo. Sauf que certaines sociétés conçoivent les leurs pour être bien davantage qu'une simple boutique. C'est le cas d'Apple avec ses Apple Store. Et celui de Brooklyn, à New York, ne fera pas exception. Il est équipé, oui, d'isolant phonique. Selon un rapport de Apple Insider, qui a pu visiter les lieux avant l'ouverture au public prévue, c'était cette semaine. C'est la semaine passée. Apple souhaite offrir à ses clients un monde tout à fait différent dès lors qu'ils passent la porte. Le plafond et le sol bardés d'isolant phonique devraient considérablement réduire les nuisances sonores extérieures et créer une bulle de calme dans la ville qui ne dort jamais. D'après le directeur marché des Apple Store de New York City, les sols ont même été créés de manière à être totalement isolés du reste du bâtiment. Ceci parce que le métro passe juste en dessous. Donc, si vous allez à New York, n'hésitez pas à aller faire un tour pour l'ouverture. Les premiers clients reçoivent un T-shirt Apple gratuit. C'est probablement déjà fait. Déjà tout donné. Alors, restons avec Apple. Des matériaux flexibles pourraient s'en venir pour changer le design de ses MacBooks et de sa Apple Watch dès 2018. En utilisant du polymère à cristaux liquides pour concevoir les circuits imprimés de ses appareils, Apple gagnerait beaucoup d'espace interne dans ses futures machines, de quoi opérer un changement profond de design. Donc, comment faire évoluer le facteur de forme et l'apparence des prochains MacBook et prochaines Watch? À cela, Apple a une réponse: utiliser du polymère à cristaux liquides, du LCP. Employé pour fabriquer les circuits imprimés, ce matériau est plus rapide et plus polyvalent que le polyimide thermoplastique, le PI habituel, mais il a surtout un avantage indéniable, c'est qu'il est flexible. Selon une note de l'analyste Min-Chi Kuo dévoilée par 9to5Mac, Apple généraliserait son utilisation dans les modèles de MacBook et de Watch dès 2018. Il ferait appel à Courier, son fournisseur attitré de circuits imprimés flexibles. Cela permettrait à Apple d'économiser beaucoup de place à l'intérieur de ses ordinateurs portables et rendrait plus facile l'adoption de l'USB 3.2 et d'autres connectiques. C'est un procédé qui n'est pas tout à fait nouveau pour Apple, puisque les iPhone 8 et 10 utilisent déjà les circuits imprimés flexibles en LCP. L'iPhone 10 l'emploie également pour son système de reconnaissance faciale 3D True Depth. Une partie des antennes des deux modèles sont également constituées de LCP et le matériau devrait se généraliser dans les modèles de 2018. Le LCP devrait également être utilisé pour concevoir les antennes 4G de la prochaine Watch. Pour l'instant, celle de la série 3 est toujours en polyimide thermoplastique. L'utilisation de ce matériau permettant de fabriquer des composants flexibles sera-t-il, à l'origine de la première modification de design de l'Apple Watch? On s'attend à ça en peut-être septembre 2018. Et si la prochaine sécurité biométrique était le scanner de votre paume? En termes de sécurité biométrique sur nos smartphones, nous avons maintenant, aujourd'hui, les empreintes digitales, le scanner d'iris et plus récemment, la reconnaissance faciale améliorée. Le scanner de la paume de la main sera-t-il la prochaine mesure à la mode? Samsung a déposé un brevet récemment décrivant comment nos smartphones pourraient scanner la paume de notre main. Ceci pour récupérer tout ou en partie un mot de passe qui serait caché dans les lignes de la main. Hein, pratique quand même. Le brevet en question ne semble pas faire mention d'un système d'authentification complet pour déverrouiller le téléphone, comme le permettent les systèmes biométriques actuels, mais ce serait pas surprenant de voir ça un jour. Se pose aussi la question de la sécurité et de la fiabilité du tout. Il ne faudrait pas qu'une simple photo puisse duper l'algorithme, évidemment. Pourrait aussi avoir son importance la vitesse du scan, parce que scanner une empreinte digitale, d'iris ou même un visage se fait assez rapidement. Mais qu'en est-il pour la paume d'une main? C'est ce qu'on saura peut-être un jour. Pour l'instant, ce n'est qu'un brevet de toute façon. Rien ne dit que ça va être intégré dans les produits un jour, hein? On ne sait pas. Voilà, c'est tout pour le segment Geek CNX. Il nous reste encore tout ce qui bouge à faire tout à l'heure, mais avant ça, on écoute Beatmaker Kells. Voici la pièce Oh! Au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. We'll be right back. l'album Easy on the Ears par Beatmaker Kells. Ça, c'était Found. Et avant la pause, on a entendu Oh! C'est pas mal groovy, pas mal chill, je trouve, comme musique, ça. Maintenant, pour terminer l'émission, c'est tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, c'est la chronique qui parle de tout ce qui bouge, oui, que ce soit à pied, en voiture, dans les airs. Commençons par Nissan qui va tester des taxis autonomes au Japon dès l'année prochaine. Le futur, on sait, va être plein de voitures autonomes. Les constructeurs travaillent là-dessus depuis quand même assez longtemps. Dans une annonce faite par la société Easy... Nissan, hein? Le projet s'appelle Easy Ride. Donc, on procède à une courte période de test en collaboration avec Dina. Ça aura lieu du 5 au 18 mars 2018 dans le quartier Minato-Mirai à Yokohama au Japon. Donc, il collabore depuis janvier 2017 à la conception d'un nouveau service de mobilité qui utilise les technologies de conduite autonome. Les deux sociétés visent à combiner la vision de mobilité intelligente de Nissan via des composants technologiques spécifiques de la conduite autonome, du véhicule électrique et connecté, avec l'expérience de Dina dans le développement de services de mobilité sans conducteur, en utilisant son expertise notamment dans l'intelligence artificielle. Les clients intéressés par ce test peuvent s'inscrire jusqu'au 15 janvier, si jamais vous passez par là-bas, sur le site dédié au projet Easy Ride sur easy-ride.com. Toujours en voiture, une voiture électrique qui coûte moins cher à l'usage qu'une voiture à essence ou une voiture au diesel. Selon une étude britannique menée aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon, le coût de possession et d'usage d'une voiture électrique est d'ores et déjà inférieur à celui d'une voiture à essence ou à diesel équivalente. Les conditions sont réunies pour que la prochaine décennie voie la transition vers la voiture électrique s'amorcer pour de bon. Aujourd'hui, posséder une voiture électrique est plus avantageux que de posséder une voiture essence ou diesel, c'est ce qu'ont établi des chercheurs de l'Université de Leeds au Royaume-Uni en menant une étude dans trois pays, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon. Leur travail a porté sur la période 1997 à 2015 pour comparer le coût total de possession entre une voiture à moteur thermique, une voiture électrique et une hybride. Les résultats de cette étude qui ont été publiés dans la revue Applied Energy. Le coût total de possession, ce qu'on appelle le Total Cost of Ownership, est calculé en prenant compte des facteurs suivants. Le prix d'achat du véhicule, le taux de décote, l'année d'acquisition, le prix annuel du carburant, le kilométrage annuel, le rendement, le coût d'entretien annuel, l'assurance et les taxes, les subventions et les remises accordées par l'État et ou par le constructeur. L'électricité étant moins chère que l'essence ou le diesel, les voitures électriques ont un coût d'usage moins important. L'autre point clé a trait au coût d'entretien d'une voiture électrique qui est inférieur à celui d'une voiture à moteur classique. Dépourvue de boîte de vitesse, d'embrayage, d'échappement et de courroie de distribution, la voiture électrique possède moins de pièces mobiles qui subissent une usure. Par ailleurs, le puissant frein des moteurs électriques contribue à réduire l'usure des plaquettes et par conséquent le coût d'entretien. Selon les chercheurs de l'Université de Leeds au Royaume-Uni, en 2015, le coût annuel d'une voiture électrique était déjà inférieur de 10% par rapport à celui d'une voiture essence ou diesel. Mais s'il est un point crucial qui détermine encore fortement l'adoption de la propulsion électrique, c'est les aides à l'achat sous forme de subventions de l'État. En effet, si tu es entre... on parle d'euros ici, là, mais bon, entre 25 et 30 000 euros, je sais pas ça fait combien en dollars canadiens, mais on s'en fout, le prix moyen d'une voiture électrique neuve reste encore nettement plus élevé que celui de son équivalent à moteur thermique. Au Royaume-Uni, les subventions pour l'achat d'une voiture électrique s'élèvent à 8500 livres sterling. Ce montant est d'environ 7300 euros aux États-Unis et au Japon, précise l'étude. La France est le champion européen des aides à l'achat d'un véhicule électrique avec un bonus écologique de 6300 euros qui peut se transformer en super bonus de 10 000 si reprise d'un ancien véhicule essence ou diesel. Mais que se passera-t-il lorsque ces politiques de soutien se tariront? En se basant sur une hausse de la production qui entraîne une baisse du prix moyen, les chercheurs estiment qu'en 2025, le coût de possession et d'usage d'une voiture électrique comme la Nissan Leaf, achetée sans subvention, sera équivalent à celui d'une voiture à essence. Cette bascule se fera notamment sous l'influence de la Chine, qui est dès à présent le plus gros marché mondial pour les véhicules électriques. Confronté à des problèmes environnementaux majeurs, l'ancien empire du milieu s'engage à marche forcée sur cette voie. Le gouvernement a décidé que les véhicules à énergie renouvelable devraient représenter 12% des ventes annuelles à l'horizon 2020. Des constructeurs chinois tels que BYD, Geely et Beijing Automotive vont devenir des géants de la voiture électrique et ils contribueront à faire baisser les prix. Cette impulsion s'accompagne de grands investissements dans la création d'un réseau de stations de charge. La prochaine décennie verra vraisemblablement l'amorce de la transition vers le tout électrique. Plusieurs pays se sont déjà engagés à cesser la vente de voitures essence et diesel à différentes dates. 2025 en Norvège, 2030 en Inde, 2040 en France et au Royaume-Uni. Reste à voir de quelle manière les États chercheront à compenser la perte des revenus liés à la fiscalité sur les carburants. Une taxation plus élevée des voitures électriques est plus que probable. Ensuite, un pneu increvable en titane pour la NASA. L'Agence spatiale américaine a développé pour les futures missions d'exploration spatiale une roue en alliage nickel-titane à mémoire de forme ne nécessitant aucun gonflage. Dès les années 60, la roue avait été identifiée comme le point faible des missions extraterrestres. Pour se rendre sur Mars, il faut parcourir entre 50 et 80 millions de kilomètres, traverser la fine atmosphère de la planète rouge et réussir à se poser sans trop de dommages. Après tant d'exploits, il serait idiot qu'une bête crevaison ruine tous vos efforts, nous dit Kubik.com. Hors de question pour la NASA de prendre le risque de faire rouler un véhicule d'exploration sur des pneumatiques classiques. L'agence spatiale américaine travaille donc d'arrache-pied pour concevoir une roue la plus fiable possible. Elle croit avoir trouvé la technologie idéale. Une roue creuse en alliage nickel-titane à mémoire de forme qui ne nécessite aucun gonflage, donc pas de risque de crevaison. Comme le montre une vidéo tournée par la NASA lors de ses essais, la roue encaisse aisément les chocs et les déformations et reprend naturellement sa forme d'origine. La NASA a par le passé suivi d'autres voies pour assurer une longévité maximale aux roues de ses véhicules d'exploration soumises à rude épreuve. Sur la Lune, dans les années 60, le rover du programme Apollo était équipé de roues en acier. Très résistantes, elles ont en revanche souffert de la rigidité de leur structure atomique. À l'image d'un ressort, leur plasticité s'est très vite dégradée, mettant en péril la stabilité du rover. Le robot mobile Curiosity connaît sur Mars les mêmes problèmes. L'une de ses 6 roues en aluminium présente des signes avancés de dégradation de ses grousers, ses rainures métalliques en ligne brisées qui assurent sa bonne tenue de route. Pas de quoi remettre en question cependant l'avenir immédiat de la mission, mais ce retour d'expérience sert aujourd'hui à la NASA qui réfléchit à des déclinaisons terrestres de ses recherches. Et on reste dans les airs, un petit peu moins loin par contre, avec les drones DJI qui sont soupçonnés d'être des espions chinois. D'après une note des autorités américaines, le fabricant de drones est susceptible de collecter des informations sensibles sur les infrastructures du pays pour les partager avec le gouvernement chinois. Plus connu sous le nom de DJI, l'entreprise Dajiang Innovations Science and Technology domine le marché des drones destinés aux particuliers. Elle propose également des machines aux professionnels et aux institutions publiques. Dans une note rédigée au mois d'août et diffusée en novembre, les services d'immigration et de douane des États-Unis soupçonnent DJI de renvoyer des données sensibles vers la Chine. Le document a été rédigé quelques semaines après que les drones de la marque ont été bannis de l'armée américaine, malgré des analyses rassurantes par la suite. Dans la note, les autorités avancent avec une confiance modérée que DJI fournit des données critiques concernant les infrastructures américaines au gouvernement chinois. Elles ont en revanche une forte confiance dans le fait que l'entreprise vise le gouvernement et des institutions stratégiques pour étendre sa capacité à collecter et exploiter des données sensibles sur les États-Unis. Ces accusations se réfèrent à la présence des drones professionnels de la DJI au sein de nombreuses entités opérant dans les domaines du transport, de l'énergie, des médias ou encore de l'éducation. Des institutions qui peuvent utiliser ces drones à des fins d'entretien ou de cartographie d'infrastructures sensibles. Toujours d'après le document, l'application Android et des drones vendus par DJI collectent des données de géolocalisation et de reconnaissance faciale, y compris lorsque l'appareil est éteint. D'après la source des autorités américaines, les données récoltées sont automatiquement envoyées sur des serveurs basés à Taïwan, en Chine ou à Hong Kong. Une information qui pousse les Américains à penser avec une forte confiance que ces données pourraient faciliter une cyberattaque ou une attaque physique contre des sites critiques. Pour remettre en contexte leurs informations, les autorités américaines rappellent que DJI a baissé ses prix de 70% en moins d'un an en vendant ses drones à perte en 2015. Une opération de dumping qui a permis de sortir du marché des concurrents comme Parrot et 3D Robotics, offrant aux Chinois une place de leader dans le domaine. Cette domination existe également sur le marché des drones pour particuliers. Ces derniers ne semblent pour le moment pas concernés par les mises en garde des autorités américaines. De son côté, DJI a répondu à ces accusations, évoquant un rapport basé sur des allégations fausses et trompeuses. Sur un article de publicintelligence.net. Voilà pour tout ce qui bouge, et c'est là-dessus que se termine le Mathieu Plante Show pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h, en rappel les jeudis à 13h. Je l'aime aussi Assemblage Hockey en compagnie de Tania Baudin du lundi au vendredi de 7h à 10h. Consultez la programmation complète sur site.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados de diffusion sur assemblagehockey.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show et Mathieu Plante, c'est de Mathieu Plante. Vous avez été planté. On se quitte avec une dernière pièce de Beatmaker Kells et son album Easy on the Ears. J'ai tellement aimé ça qu'une troisième pièce, ça va très bien pour moi. C'est Nothing for Me. À la semaine prochaine. Bye bye. Let's go. Fan.